Alexandre Bapt, la tour d'Auvergne, bourré 3 temps. C'est n'ayant ami que me messe pas, c'est n'ayant ami que me messe pas, la menario, belle aigle la ferio, benia la menario, belle aigle la ferio, benia l'idio, bagnette jusqu'à près, soupa l'idio, bagnette jusqu'à près, soupa cantore, cantore, soupa te viendra te, tsa tsa cantore, cantore. Soupa te viendra te, tsa los clubs de mamie sont tombades, los clubs de mamie sont tombades, quand la va, vers l'épouse une clave, et quand la va, vers l'épouse une clave, et le cours de mamie, les failles tant de mal, au cours de mamie, les failles tant de mal, quand la va, vers la soleil jetant, quand la va, vers la soleil jetant.